Je vous parle maintenant de logiciels libres. On connaît évidemment les systèmes d'exploitation qui ont été développés par Microsoft et Apple, et on sait que ces systèmes sont utilisés abondamment, notamment par le gouvernement du Québec et les universités. Et certains se demandent si, justement, le gouvernement, les universités ne devraient pas se sevrer de ces grandes entreprises. Il y a une association d'entrepreneurs en logiciels libres qui fait remarquer au gouvernement qu'il dépensera 900 millions de dollars en licences de logiciel pour le seul ministère de l'Éducation. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même impressionnant. Les logiciels libres, il faut le rappeler, ne coûtent rien. Alors, Benoît Deslignerie est président de l'Association professionnelle des entreprises en logiciels libres et il s'entretient à ce sujet avec mon collègue Ronald de la Vallée. Benoît Deslignerie, bonjour. Bonjour. En commentant le conflit étudiant, vous faites valoir qu'il y aurait des économies à aller chercher à l'université en passant à des logiciels libres. Alors moi, la question que je vous pose, les logiciels libres, ça existe depuis de nombreuses années. On ne les voit pas en entreprise, on ne les voit pas à l'université où pourtant il y a plein d'informaticiens. Il doit y avoir quand même des avantages aux logiciels libres si elles ne prennent pas la place ou s'ils ne prennent pas la place que vous leur destinez. Alors, il y a peut-être plusieurs corrections que je vais faire dans la mesure où, peut-être pour le bénéfice de tout le monde, qu'est-ce que c'est un logiciel libre? Puis je vais prendre l'exemple de Wikipédia, qui est la plus grande encyclopédie en ligne. Et puis, il y a quelques années, on disait à peu près la même chose. On disait Wikipédia, c'est pas très bon, c'est fait par plein de monde, on ne peut pas assurer la qualité. Il y a quelques mois, l'Encyclopédie Universaliste a annoncé qu'elle arrêtait sa version papier et qu'elle passait en mode Internet. Et aujourd'hui, Wikipédia est la meilleure encyclopédie en ligne. Le logiciel libre, c'est le même principe, donc c'est fait par des différentes personnes autour du monde pour des logiciels, donc peut-être quelque chose avec lequel le grand public est moins familier, mais c'est les logiciels qu'on utilise tous les jours sur notre poste de travail, sur nos tablettes, sur nos périphériques. Donc ces logiciels-là, ils sont distribués, on peut les utiliser sans frais de licence, on peut les copier, on peut les modifier. Ces logiciels-là, évidemment, il y en a qu'on voit peu, mais qu'on utilise tous les jours. Puis je vais prendre l'exemple de tous les géants d'Internet aujourd'hui, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Amazon, enfin à peu près n'importe quelle start-up, n'importe quelle compagnie qui aujourd'hui a un impact important sur le web, elle fonctionne avec 99,9% de logiciels libres. Et la raison pour laquelle vous pouvez avoir accès à des services aussi peu cher, et ils ne sont pas gratuits, hein, ça veut dire que même si vous ne payez pas quelque chose, vous donnez de l'information qui a une valeur pour ces compagnies-là, mais en pratique, on a abaissé le coût d'opération drastiquement grâce à ces logiciels. Donc en fait, tous les grands aujourd'hui utilisent les logiciels libres. Maintenant, c'est vrai que dans les administrations publiques, puis dans des organisations de plus grande taille, il y a une notion, je dirais, de gestion de changement qui est le principal inconvénient, là, si je regarde sur le poste de travail. Oui, mais quand même, une université, c'est bourré d'informaticiens. Hein? Oui. Et ce sont des gens qui sont à la recherche d'innovation. Et pourtant, les universités fonctionnent encore avec Microsoft. Pourquoi? Oui, là, il y a plusieurs raisons. Mais la principale, pour nous, c'est vraiment la question d'avoir des entreprises avec un quasi-monopole qui sont établies, qui influencent, qui sont au conseil d'administration, qui ont des lobbies du cabinet national, qui donnent les logiciels pour les facultés de génie informatique et pour la faculté d'informatique. Oui, mais alors, s'ils donnent le logiciel, c'est qu'il n'y a pas d'économie à les remplacer par un logiciel libre. Ils le donnent juste à ces deux facultés-là et juste pour les étudiants. Donc, c'est vraiment comme, l'analogie qu'on fait, c'est un peu un vendeur de drogue, là, c'est qu'il va vous donner votre dose. Dès que vous êtes plus étudiant, il faut que vous payiez, mais vous devenez un prescripteur dans vos entreprises, dans vos organisations, et vous dites, moi, c'est ça que j'ai appris, donc c'est ça qui est bon. Alors, admettons que le Québec, je parle du gouvernement québécois, fasse le pas, et que les universités, par exemple, que la fonction publique québécoise passe au logiciel libre. Quelles sont les économies qu'on peut attendre? Il y a deux aspects. Il y a un aspect, je vais appeler ça macroéconomique. Ça veut dire que en investissant dans du logiciel libre, on va investir dans des entreprises locales, exactement comme si jamais un État ou une ville achète des wagons de métro, il va exiger d'avoir 80% de travail local. Aujourd'hui, en informatique, la seule manière d'avoir ce 80% local, c'est d'utiliser des logiciels libres. Écoutez, tous les autres logiciels, la plupart des compagnies éditrices sont des multinationales américaines pour la plupart. Microsoft emploie 400 personnes au Québec, là, c'est ridicule. On est en train de se faire dévaliser. Donc ça, c'est un aspect, je dirais, macroscopique à haut niveau. Expliquez-moi donc, de manière très concrète, là, comment le logiciel libre au Québec créerait de l'emploi? En fait, c'est très simple. Ça veut dire que, puis c'est déjà le cas aujourd'hui, dans l'association, on a à peu près 250 emplois directs, là, donc 100% reliés au logiciel libre parmi nos membres. Imaginons que le gouvernement décide de, migrer l'ensemble des commissions scolaires. Il va y avoir besoin d'accompagnement local, d'entreprises qui vont être situées en Beauce, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, à Rimouski, à Trois-Rivières, qui vont devoir augmenter leur niveau d'expertise, avoir des revenus associés au logiciel. Et les revenus ne portent que sur la partie service, donc soit le développement, soit le support professionnel ou la formation. Le logiciel est gratuit. Vous pouvez le copier, le distribuer, le télécharger. Donc en fait, on va... Mais quand j'aurai des problèmes avec le logiciel, je vais parler à quelqu'un qui est au Québec, plutôt que quelqu'un qui est à Mumbai. Oui, et vous allez parler à quelqu'un à côté de chez vous, qui va vous fournir du support en français, de qualité, et qui va améliorer son niveau de connaissance, de telle sorte qu'on va pouvoir exporter. Si je prends notre cas personnel, nous, on a commencé avec des clients en commission scolaire au Québec, dans la région. Maintenant, on a des clients en Californie, on a des clients aux Pays-Bas, on a des clients en Espagne, on a des clients au Brésil. Tout simplement parce qu'on a développé une expertise particulière dans ce secteur-là, qui est reconnu internationalement. Et donc, on fait du support, on fait tout ça, alors en anglais dans ce cas-là, mais je veux dire, peu importe, c'est vraiment l'opportunité nous a été donnée ici de faire des projets qui sont bons, qui ont une bonne reconnaissance, et d'exporter notre savoir à travers le pays, quoi, à travers la terre. Benoît Delingry, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc mon collègue Ronald de la Vallée qui s'entretenait avec Benoît Delingry, qui est président de l'Association professionnelle des entreprises en logiciel libre.